Mangaribi ya leo tunasalimia batakatifu bote mujina la Yesu Kristo. Ce soir nous saluons tous les saints au nom de Jésus Christ. Tunasalimia tena bale bote beko na tufuata kwa njia ya internet. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent à partir de l'internet. Bale popote banduku na badada mujina la Yesu Kristo. Partout les frères et sœurs au nom de Jésus Christ. Tunaendelea kuleta masalamu ya batumishi ba Mungu. Nous continuons à amener les salutations des serviteurs de Dieu. Cela avec qui j'ai causé moyen de téléphone. Ils m'ont chargé de saluer toute l'église au nom de Jésus Christ. Que Dieu soit loué. Dieu bénit les qui chantent. Nous chantons comme les délivrés. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Je vais prier. Et après avoir prié, nous allons lire l'écriture de notre de tous les jours. Et nous allons nous asseoir. Baba Mungu, mumbaji wa mbingu na dunia. Père Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mangaribia leo tena, tunasema asante. Ce soir encore, te disons merci. Sababu kuonekana kwetu ni kazi yako. Parce que quand nous sommes là vivants, c'est ton œuvre. Ulituchunga kuanzia mwanzo ya siku. Tu nous as gardé depuis le début de la journée. Neema tunapata ya kupata afya njema. La grâce que nous avons reçu de avoir la bonne santé. Neema nashinda kupata bantu benjetu mudunia. La grâce n'a pas été donnée à tout le monde. Kama si tunapata inema. Si nous avons trouvé cette grâce. Tunashinda kunyamasha. Nous ne pouvons pas nous calmer. Tunanyanyua masauti yetu ya kukushukuru. Nous élevons nos voix pour te remercier. Na kukupikia asante. Et de te dire merci. Jina lako lipewe sifa. Que ton nom soit loué. Pour la grâce que tu nous as donnée de nous avoir fait sortir du monde pour que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Ce soir encore, nous voici. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Ce qui nous amène, c'est la soif et la faim de toi. Tout le temps que nous n'avons pas encore vu avec nos yeux, nous n'allons pas nous fatiguer de suivre la voie de la foi. Parce qu'après que tu nous aies appelés dans cette voie, notre but, c'est que nos yeux te voient. C'est pourquoi nous n'allons pas nous fatiguer de te suivre tout le temps que nous avons la vie dans ce monde. Ce soir encore, descends et parle-nous les paroles que tu as préparées pour nous. Tupate njia wazi ya kwenda kumbingu. Que nous puissions avoir une voie claire pour aller au ciel. Bariki watoto yako bote ndani ya kanisa. Bénis tes enfants, tous tes enfants dans cette église. Bale bote wewe Mungu ulita na kuokoa. Que tout cela que toi Dieu t'a appelé sauver. Ulisema bote benye kwa mkono yako. Tu as dit que tous ceux qui sont dans tes mains. Hakuna hata mmoja anaweza kubanyangana. Il n'y a personne qu'on peut te le ravir. Je crois mana furaha na yala ndani ya mioyo. C'est pourquoi la joie est pleine dans nos cœurs. Bénis nous ce soir. Que ce soit une bonne soirée. Et que nous puissions parler à l'église. Sois notre Dieu du début de la vie. Et à la fin. Tous ceux qui sont entrés malades. Au travers de la parole que nous allons écouter. Ils recouvrent la guérison au nom de Jésus Christ. Parce que tu as dit je vais vous envoyer la parole. Et la parole va vous guérir. Tous ceux qui n'ont pas des emplois dans ce corps. En sortant qu'ils puissent avoir des emplois au nom de Jésus Christ. Ceux qui ont des dérangements dans leur mariage. Que leur mariage soit au bon point au nom de Jésus Christ. Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Nous le réclamons auprès de toi. Parce que c'est auprès de toi où il y a notre espérance. Tout ce que nous avons demandé avec foi et sans doute. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Isaïe 6. Isaïe chapitre 6. Mwaka wa fuire mropwe uzia. Na mwenye nkambo kashashika tapachipona. Chati peuru ruine ne kisanzi kiwa vwele cha kumene monso munzubu. Baserafima ba imene peuru. Ye nse wadina mapapi mukaka. Pameso wibutilepo wabiji. Kumauru nako wibutilepo wabiji. Ni wabiji makuwa abo obajikutu mbukirako. Bajikuira kija vene nevene kashaba bijikija amba. Waruathyo, waruathyo, waruathyo inkambo wa mavita. Tanda yonso ya yura rukumo rwanji. Mapanda abibero kia tenta kwa mawi oba jiku vijikija. Ni munzo boyaresa mwa yujire buishi. Ponka apo kenda kia mamawe amimura andanafua. bantu mji muntu wa miromo mibi ne bantu bonti karamo ibonka ba miromo mibi mwanda namu na mwine muropwe nkambo wa mavita bonka po serafima umo watumbukira konaji wajina jikala jamu jiro mkubo kwa kwanji joa apuire na kimanto kumazabau ujipishishe paka nuakami wanda kamba wamona jino jikala japita kumiromo yove jino mianda yove yapwa ubibobe watoke jiwa ebiya na uvune jiwi jankambu amba kamba ya netu sakutuma sweku ya minaro ndoroweke amba miuno mwane bantume amen. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mumwaka ya lufu ya mufalume Uzia, niliona bwana mwenye kuikala pakiti cha enzi cha juu sana. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Na upindo wa vazi yake iliala nyumba yote. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. Maserafima ilikala yulu yake na bote balikuwa na mabawa 6. Deux dont ils se couvraient la face. Mbiri baranza kufunika mansura. Deux dont ils se couvraient les pieds. Mbiri baranza kufunika mikulu. Et deux dont ils se servaient pour voler. Na mbiri ingine baranza kubasaidia jua kuluka. Ils criaient l'un à l'autre et disaient. Baranza kulalamikiana moya na mwingine na kusema. Saint, Saint, Saint, l'Éternel des armées. Mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu ni bwana wa majeshi. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dunia yote na yala na utukufu yake. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Milango ilianza kutetemeka kubizingiti kupitia masauti ile baranza kulalamika. Et la maison se remplit de fumée. Na nyumba yote kayala na moshi. Alors je dis. Pale pale nikasema. Malheur à moi, je suis perdu. Ole yangu minapotea. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Sababu niko muntu wa milomo mubaya. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Na niko naishi na bantu ba milomo mubaya. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Macho yangu inamuona mfalme bwana wa majeshi. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Serafima moya akalukia kwangu. Tenant la main une pierre ardente. Mwenye kuya kumukono yake na ribwe ya moto. Il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Ila ritosha kumazabau na kiuma. Il en toucha ma bouche et dit. Akagusa kinwa changu na akasema. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ii nagusa kinwa chako, milomo yako, maovu yako inaondolewa na zambi yako inasamewa. J'entendis la voix du Seigneur disant. Nikashikia sauti ya wa milele ya Bwana ikasema. Qui enverrai-je? Ni nani tutatuma? Et qui marchera pour nous? Ni nani ataenda juu yetu? Je répondis, me voici, envoie-moi. Mimi kajibu, mimi ni hapa, unitume. Amen. Amen. Amen. Tutaika. Nous allons nous mettre. Nyimbo za Mungu 175. Chantons Nyimbo za Mungu 175. Ma pendezi ya dunia. Il tubabarike usomi wa neno yake mu jina la Yesu Kristo. Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Leo ni siku ya tatu. Aujourd'hui c'est le troisième jour. Nikuna zungumuza na kanisa. Je parle à l'église. Yulu ya itungo inasema dans sa présence. Sujet qui dit mwepo wake. Na kitabu tukuna tumikisha kenye kutupatia mulango ya kuingia mu ujumbe. Et le livre que nous utilisons qui nous donne la porte d'entrée dans ce message. Niki tunatoka kusoma. C'est ce que nous venons de lire. Siku ya kwanza. Le premier jour. Nisema yulu ya mabadiliko. J'ai parlé des changements. Nilisema na kanisa kusema. J'ai parlé à l'église en disant. Mabadiliko ya bia kweli. Le véritable changement. Haiku yake kwa mtoto wa Mungu mwingi wa kukawa mkanisa. Ne vient pas chez un enfant de Dieu à cause des années qu'il a passé dans l'église. Mabadiliko ya bia kweli. Le véritable changement. Haifikake pa maisha ya mtoto wa Mungu juu ni pasteur. N'arrive pas dans la vie d'un enfant de Dieu parce qu'il est pasteur. Mabadiliko ya bia kweli. Le véritable changement. Iko nafikia ule mtu alikutana na Mungu. Arrive chez celui-là qui s'est rencontré avec Dieu. Et c'est vrai. Nani bia kweli. Kama tunataka mabadiliko ya bia kweli. Si nous voulons le véritable changement. Tuanzie mkonana na Mungu uso kwa uso. Commençons d'abord par nous rencontrer avec Dieu face à face. Et siku ya pili. Et le deuxième jour. Nilizungumza na kanisa kusema. J'ai parlé à l'église en disant. Muwepo wa Bwana. Dans la présence du Seigneur. Nimurikalashi munene le kunangaza mu maisha yetu. C'est dans un grand miroir dans lequel nous nous voyons. Muntu anaweza kujiona ni muntu mzuri sana wa kunyoloka. L'homme peut se voir un homme bon et droit. Wakati eko inje ya wepo wa Bwana. Quand il est en dehors de la présence du Seigneur. Mais kama anakuwa kulikalashi ya Mungu. Lakini s'il vient dans le miroir de Dieu. Ataona pale anesha kukunjama. Il verra là où il est courbé. Muwepo wa Bwana. Dans la présence du Seigneur. Sasa hivi ni mulikalashi. Comme c'est dans un miroir. Iko nguvu one mu uso ya mwenzako. C'est difficile que tu vois le visage de ton voisin. Leo kama frère fulani ananiita ku mariage. Si aujourd'hui un frère m'appelle à son mariage. Mimi ndio douche yangu mimi na wa mzuri. Je marche dans de j'entre dans la douche je mimi na chambre yangu mimi na voilà mzuri. J'entre dans ma chambre je m'habille correctement. Papa ya kwenda nitoke nje mimi na bele kulikalashi. Avant de sortir dehors je vais devant le miroir. Ikalashi inaanza kunikorige. Le miroir commence à me corriger. Pale niliwaza sema mimi na voilà mzuri pale nilikuwa pembeni ya ikalashi. Je pensais que j'étais bien habillé quand j'étais en dehors de ikalashi ndio tanyambia vile mimi na kunjamisha kitu fulani. Le miroir va me montrer comment j'ai fait courber quelque chose. Juni kuye mwenye kueneana bien. J'aligne cela afin que je sois. Na neno ya Mungu na yoni rikalashi. Et la parole de Dieu aussi c'est un miroir. Yo angaza pa mansura iko angaza pa maisha. Non, ça n'éclaire pas sur le visage mais c'est clair sur la vie. Alléluia. Amen. Mais mambo tuko na changa munja ya imani leo. Mais le problème qui nous étonne dans la marche de la foi. Ni mtu yako murikalashi ya neno ya Mungu. C'est l'homme qui est dans le miroir de la parole. Bali pa kona sura yake ya maisha yake. Visage et sa vie. Anaanza kuona amo mwenjaji. Il commence à voir son prochain. Leo bali hubiri bien sana. Aujourd'hui on a bien prêché. Kama bibi yangu alikuya amo. Si ma femme était ici. Ni neno lipachi kumsaidia. C'est si d'aller les. Leo bana hubiri mzuri sana. Aujourd'hui on a bien prêché. Kama bwanangu anashikiaka. Si mon mari écoute. Hapa atashikia. Ici il a écouté. Ce n'est pas cela. Aina njofi. Murikalashi ya neno. Dans le miroir de la parole. Kila mtu eko na riona amo kwa upekee. Chacun se voit individuellement. Ndio itakusaidia kutubu. C'est ce qui va t'aider à te repentir. Na kuachana na mabaya yote. Et d'abandonner tous les mauvaises actions. C'est vrai. Ni bien quoi. Paul eko na ifue Paul eko na ifundisha mu barua ya pili. Enseigne la deuxième épître. Wa Corinto. Au Corinthien. Kama unasoma deuxième Corinthien chapitre 3 verset 18. Si wa Corinto wa pili sura 3 18. Anasema. Il dit. Chebote na mansura ya bila kutiwa kitambala. Nous tous avec les voiles. Tukunaonesha utukufu ya Bwana sawa rikalashi. Nous montrons la gloire de Dieu comme un dans un miroir, comme un miroir. Na tukwenda kubadilika. Et nous allons kwenda kumfanana. En se ressemblant à lui. Yote. Et tout. Ikunafanyika kupitia roho ya Mungu. Tout cela se fait par l'esprit de Dieu. Prédication yote. Toute prédication. Ni rikalashi. C'est un miroir. Il est mutoto wa Mungu anapaswa kuliona moye. Que l'enfant de Dieu va se voir lui-même. Kama wewe uliona mwile likalashi ya neno. Tu n'étais pas encore vu dans le miroir de la parole. Kila kitu kinaendeka katika maisha yako ya imani. Il y a ce qui ne marche pas dans la marche de ta foi. Et leo. Mais aujourd'hui. Nitasema. Je vais parler. Tena juu ya uwepo wa Bwana. Que dans la présence. Ni mutechnique. C'est dans maternité. Mutechnique. Ni mfasi ya kuzalia. Fasi ya kuzalia. C'est là, c'est dans une technique. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Dans la présence de Dieu. C'est dans une maternité. Là où nous naissons pour devenir des enfants de Dieu. Esaïe. Isaïe. Chapitre 26. Surah Kamakumbi Nasi. Et verset 17. Et Bionka byuba mwana mukaji kujira mwanda wa misongo mikataroke pepi na kusema mwana sangane yatu ebyo byonka mukeni kyobe obenkambo. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, paka vile mwana muke eko na butungu karimu na ye kuzala, se tord et crie au milieu de ses douleurs, eko na umia na kulalamika mubwinji wa butungu. Ainsi avons-nous été loin de la face de ta face au Éternel. Na cheye bale interpréter mon Bible nasema njo paka vile na cheye tu iko muwepo wako e Bwana. Amen. Amen. Save mu présence ya Mungu ni mu technique. Donc dans la présence de Dieu c'est une phase ya kuzalia. Tunapaswa kufanya angalisho munene sana wakati tunakaribia muwepo wako. Nous devons faire attention lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Oui mes frères. Dio banduku. Oui mes sœurs. Dio badad. Mumwili umu. Dans ce corps nous sommes. Ya onaka sera tamoya. Je n'ai jamais vu une sœur. Uleko na furaha ya kwenda pa technique. Qui a la joie d'aller sur le point ya kupale pa kuzali. Eko na cheka wakati kwenda kuzala. Il rit lorsqu'il est allé s'accoucher. Avant ya kwenda kuzala. Mbele ya kwenda avant de s'accoucher. Anatema programme yote kunyumba. Il laisse tous les programmes dans la maison. Naomi. Naomi. Kwani kwa che programme. Viens je te laisse le programme. Baba kweko mukaji. Ton père aussi. Mimi nenda mbele ku maternité kuzala. Moi je vais au maternité. Mimi tele mutakuria mutanyati yako. Tupale mita kwana ndumba na bebe wewe. Na mimi nifike ni kuri yako. Quand je reviendrai avec toi. Baba na kwa mwambia sina mama naenda kuzala ku maternité niko nakuya. Quand ton père. Kuna kala mwanamke anacheza kwa maternité je vais revenir. Il y a une femme qui fait cela? Hakuna la anacheza kwa vile. Il n'y a aucune femme qui fait cela. Kama mwanamke eko na mimba karibu kuzala. Et enceinte près de s'accoucher. Eko muwe ou non. Il est dans ndio au pan. Wakati kunaenda mu maternité. Quand elle va en phase ya kuzaria. Anesha kutangulia kuyua kusema. Elle sait reconnaître que. Aina bote banenda kwa maternité banarudi yako na bujini. Ce ne sont pas tout le monde qui vont à la maternité qui retourne vivant. Kuko bale banaingia kamo. Il y a ceux qui entrent. Banarudi na furaha kwa neema ya Mungu. Il retourne avec joie. Bengi anenda mo. Anenda kuisha ku morgue. Eh, va terminer la morgue. Ashiwezi kwenda mwana ncheko. Elle ne peut pas aller avec un degré. Ndio bakabena ncheko muwepo wa Bwana. C'est pour nous aussi dans la muwepo wa Bwana banduku yangu bapendwa na badada. Dans la présence de Dieu mes bien-aimés frères et sœurs. Kama tunaingia mo. Si nous y entrons. Muko bujima au lufu. Il y a la vie ou la mort. Ina pacho kufanya angalisho munene sana. Il faut faire très attention. Kama ungari mu tabernacle frère Mungu akusaidie. Si tu es encore dans le tabernacle que Dieu t'aide. Muwepo wa Bwana nafasha kucheza nayo. Dans la présence de Dieu ce n'est pas un endroit où il faut jouer. Muwepo wa Bwana kama tunafika mo. Dans la présence de Dieu quand nous y arrivons. Tuko nafanya angalisho. Nous faisons très attention. Pour que bujima bwa Mungu buitupate. Juke la vie de Dieu itufikie. Au lieu de la mort. Wakati Bwana Yesu alikuwa pa dunia. Quand Jésus-Christ était dans sur cette terre. Kuko bale alifikia banapata bujima. Il y a ceux-là qui il était allé, ils sont dans autre. Kuko bale alifikia banapata matunzo. Ils sont allés, il est allé vers certains qui ont trouvé la guérison. Kuko bale alifikia banapata hukumu. Il y a certains là où il est allé, ils ont reçu la condamnation. C'est vrai. Ndio ndio kweli. Yesu alisema. Jésus a dit. Mwendeni pale popote mukatangaza habari njema. Allez partout annoncer la bonne nouvelle. Anaye amini na kubatizwa ataokoka. Il sera sauvé. Asiye amini celui qui ne croira pas atahukumiwa. Il sera condamné. Kuanzia pa ile masemo. Depuis ces paroles là. Uwepo wa Bwana uweze kutoka mu vile ulingi. Dans la présence de Dieu tu ne peux pas y sortir comme tu es entré. Unakufuata mu bintu mbili. Tu es venu suivre deux choses. Mais utatoka hapo na kimoja. Tu dois y sortir avec une chose. Kama unakufika mu présence ya Mungu. Si tu arrives dans la présence de Dieu. Neno ya Mungu inahubiriwa. La parole de Dieu est apportée. Inagusa roho ya ndugu yako fulani. Ça touche le cœur de ton ami. Unaonekana naye karibu. Celui avec qui tu t'assois. Wakati ya maombi. Quand il prie. Anaanza kuomba. Il commence à prier. Et kunamwambia Mungu maisha yake. Il dit à Dieu sa vie. Na kumulomba Mungu msaada. Et de demander l'aide. Kumwambia Mungu ma faiblesse yake. De dire à Dieu ses faiblesses. Sasa unatoka. Na toi tu sors. Unaanza kusumbura mambo ya vile ndugu yako anaanza kutubu. Tu commences à causer sur les problèmes de ton frère qui s'est reporté. Ni frère yeveye mwenye kulisemea tu. C'est le frère yeveye qui s'est parlé. Kuna nekalaka mshati u frère. Il est adultère aussi. Kuna nekalaka na tama. Donc il est ambigu. Wewe unakufwa. Toi tu es mort. Mwile hali unakufwa. Dans cet état là tu es mort. Mais comme tu es en présence ya Mungu. Maintenant si nous sommes dans la présence de Dieu. Kila mtu eko paluake. Chacun est individuellement. Mungu anasema sasa anasema na bamingi. Dieu il parle comme s'il parlait à tout le monde. Pour Mungu ye. Pour Dieu lui. Il parle comme s'il parlait à mtu mmoja. Il parle comme s'il parlait à une personne. Ata tunaitana kambovu yote mjima tunaikala hapa. Même si on s'appelle tout kambovu nous assemblons. Mais comme Mungu anashuka. Maintenant si Dieu descend. Eko anasema sasa anasumbura na mtu mmoja. Il parle comme s'il parlait à une personne. Na wewe na macho yako ya roho. Et toi aussi avec tes yeux spirituels. Tu verras le nom avec qui tu es. Ona mpaka wewe mmoja. Tu verras que dans ces salles tu es seul. Ni Mungu anasema na wewe. C'est Dieu qui parle avec toi. Talo que utatoka mna kijima. Dieu parle tu vas sortir avec la vie. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Isaïe dit, comme une femme, elle se tord de cris de douleur. Il crie avec douleur près de s'accoucher. C'est comme cela que nous sommes aussi dans la présence de Dieu. Que Dieu nous aide. Jean. Johan. Chapitre 16, verset 20. Sura saba makumimbili ya mstari yaji. Sura saba makumimbili. Jean chapitre 16. Yohanu sura ya saba. Sura yake ya kumi na sita. Ah, sura ya kumi na sita. Yohanu kumi na sita. E verse 20. Na mstari yake ya makumimbili. Kine kine nemi bura. Anwe mukajira misowa ajiba pano pantanda bakasekera. Anwe mukafitwa ajikafitwe kenu kakasanguka keru sekero. Mwana mukajiba kusema mwana ufitwa pantu chita yanji ya afika. Ajipa kupua kusema mwana kenshi uikara ukirangu rukaponka rumanamo mwanda wa rusekero wa muntu kusemwa pano panta. Ne anwe no shida mujina kafitwe. Ajinkemi mwana jibiji ne mitima yenu ikasekera. Kabiji kapaji ukafurunganya rusekero rwenu. En vérité je vous le dis. Kweli kweli ninawaambia. Vous pleurerez et vous lamenterez. Mutaria na kuomboleza. Et le monde se réjouira. Wakati ile dunia yote itaanza kufurahi. Vous serez dans la tristesse. Cheba toto ba Mungu kama dunia iko naenda ku gauche, shitu kwenda ku droite. Nous les enfants de Dieu, le monde va à droite. Wakati dunia iko na furahi, shitu kuna ria. Quand le monde se réjouit, nous pleurons. Tunaria nini? Nous pleurons sur quoi? Tunatafuta maisha ya Mungu ikuwe maisha yetu. La vie de Dieu que ça soit notre vie. Wakati yote maisha ya Mungu hayaonekana kwangu. Tout le temps que la vie de Dieu n'est pas encore visible à moi, même si j'ai des dollars, satisfait. Je ne suis pas encore même si j'ai des vécus, mes larmes, c'est que Dieu me donne le Saint-Esprit. Même mais à ce temps-là, le monde se réjouit. Lisez, frère. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lakini ma uzuni yenu mutakuwa muzuni mais ile uzuni yenu itakuwa furaha. La femme lorsque l'enfante wakati mwanamke eko karibu na kuzala éprouve de la tristesse eko na uzuni parce que son heure est venue sababu wakati yake inafika. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie qu'elle a dans de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se changera. Alléluia. Amen. Nitanionokania uzuni yenu itabadilika kuya furaha. Et nul ne vous ravira votre joie. Na ile furaha yenu hakuna mtu atamwa ataminyanganya kayo. Alléluia. Amen. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Leo tukunaria frère. Aujourd'hui nous pleurons. Mina kusi ndugu yangu mpendwa. Je t'en supplie mon bien-aimé frère. Mina kusi dada yangu mpendwa. Je t'en supplie ma bien-aimée sœur. Mina kusi mtumishi wa Mungu. Je t'en supplie serviteur de Dieu. Mina kusi mtoto wa Mungu ndani ya hii sala. Enfant de Dieu dans cette salle. Hapana kuwa na furaha hii dunia kama bado hauyapata Roho Mtakatifu. Il ne faut pas voir la joie dans ce monde si tu n'as pas encore trouvé le Saint-Esprit. Tuko na wakati mingi ya kujexaminer. Nous avons beaucoup de temps de nous examiner. C'est pourquoi tu n'as pas encore trouvé le Saint-Esprit. Donc comment nous n'avons pas le temps de regarder aux autres. Tu es quel genre? Tu es quel genre d'enfant de Dieu? Tu connais toutes les histoires des gens. Ce n'est pas juste. Aina ya kunyoloka. Tukuna wakati mingi ya kujichunguza kwa upeke. Nous avons beaucoup de temps de nous examiner. Nione wakati namuna kanini kunaishi na Mungu wangu. Que je vois comment je vis avec Dieu. Sina nasa kujokipe na mambo ya mtu fulani. Je n'ai pas le temps de m'occuper des problèmes. Kuyo mambo ya ndoa ya mtu fulani. Je connais des problèmes de mariage des autres. C'est bien mais pas tout à fait. Ni mzuri mais aina ya kawaida. Paulo anasema atakama yote. Paulo dit aina mubaya. Même tout n'est pas mauvais. Mais yote ainirusu yote na kuifuanya. Mais tout n'est pas permis de le faire. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Wakati mwanamke ko mu buchungu, quand la femme est dans la tristesse, sa yake nafika, son heure est arrivée, kisha si yeye kuzala, après qu'elle se soit accouchée, eko na furaha, elle a maintenant la joie, mutoto hapa pa dunia, de voir un enfant dans ce monde. Na wewe na mie, toi et moi, na wewe dada na mie, toi ma sœur et moi, kama tunaingia mu présence ya Mungu na huzuni, si nous entrons dans la présence de Dieu avec tristesse, Mungu anatusamehe makosa yetu, Dieu nous pardonne nos péchés. Mungu, Dieu, anatufanya batoto ba Mungu. Il nous fait des enfants de Dieu. Tunaanza sasa kuona kazi yake pa maisha yetu. Nous commençons à voir son œuvre. Tunaanza mbele kuangalia mambo vile dunia iko napita. Nous commençons à voir comment le monde passe. Tunaanza kuona bunene wa neema ya Mungu pa maisha yetu. Nous nous réalisons de la grandeur de la grâce de Dieu sur notre vie. Aujourd'hui le président Tshisekedi. Kama anatafuta kufika mukambovu. S'il veut arriver ici à Kambovu. Bato ba mu gouvernement batajo organiser mubo. Les gens du gouvernement vont s'organiser. Chez imagine toi itakuya. Nous on va rien faire. Mais bingu na yo kama inapenda kushuka mukambovu. Si aussi le ciel voudrait descendre ici à Kambovu, c'est chez toi qu'il va arriver. Alléluia. Amen. Paka wewe le dunia haikubalule. Toi que le monde. Mais dina yako ndio beko naanzia pa ko mbingu. Maintenant actuellement c'est ici. Nema kani nduku. Mais c'est cette même joie quand je chante. Je dis même quand ce monde ne connaît pas la joie, ma joie que le monde même si okay, je n'ai pas une maison, le ciel m'a construit une maison. Même dans ce corps, il y a une maladie. Si un homme arrivait dans la présence de Dieu, il serait pardonné. Il y a la joie que quelqu'un d'autre ne peut pas lui ravir. Mungu atusaidie. Que Dieu nous assiste. Nilionaka mtu dada moya. J'ai vu une sœur. Anapata neema ya kupata Roho Mtakatifu. Elle a reçu la grâce de trouver la présence. Kama nyumba yake anaanza kuomba. Quand elle est dans sa maison en train de prier. Ekonadi sabwa. Elle s'oublie même. Ba voisins anaanza kumsemea vibaya. Les voisins commencent à parler mal d'elle. Ekonadi tutetwa tulale juu yake. Elle nous fait souffrir, on ne dort pas à cause d'elle. Anabambia sema muyashikia na muyayua pale mimi. Elle leur disait vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la. Anaanza kumderanger sana. Elle commençait à lui dire. Anabambia Mungu c'est Mungu wangu. Elle disait à Dieu mon Dieu. Kazi yako kwa voisin, fais ton œuvre à ses voisins. Que je demeure dans cette atmosphère. Les voisins ont trouvé. Ils ont vendu la maison des frères afin de laisser à la sœur le temps de causer avec Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est un homme que le ciel compte. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu insiste. Ushibakie mwanamemba wa tabernacle bishie pale. Ne reste pas membre du tabernacle et que tu combats frère. Combat mon frère. Pigana mvita mon frère. Combat sœur. Pigana mvita dada. Combat mfanya kazi wa Mungu. Piga mvita serviteur de Dieu. Ukuye mu corps mystique ya Yesu. Que tu entres dans le corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a personne qui est entré dans la présence de Dieu et qui est sorti comme il est entré. Il y a ceux-là qui sont entrés et se sont sortis avec la condamnation. Et ce sont là qui aussi sont entrés et qui se sont sortis avec la vie. Et les jours passés, j'ai parlé avec l'église en disant, voilà pourquoi nous avons beaucoup de dérangements dans cette marche. Parce que les gens sont encore aujourd'hui dans le tabernacle et ne sont pas encore arrivés dans la présence de Dieu. Si un homme arrivait dans la présence de Dieu, lui-même il s'est reconnaîtra. Et ceux-là qui vivent reconnaîtra aussi. Dans ce message de notre frère Branham, il n'y a pas de tradition que les dénominations. Si un frère de Kambo voudrait se rendre à Botlonge, il va chez son pasteur, on lui rédige une lettre. Et notre membre arrive, c'est notre frère, c'est vélu, non. Après notre rencontre avec Dieu, nous devrons des lettres écrites. Même si j'arrivais dans une cité étrangère, ma marche à moi, je présente la présence de Dieu. Mes frères vont me reconnaître. Alléluia. Amen. C'est très important. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Sasa wewe ni wapi ulifikia frère wangu? Maintenant toi tu es arrivé où? Ni mon présence ya Mungu kanimule wewe. C'est dans quelle présence de Dieu où toi tu es entré? Wewe unabakia paka ule mtu wa zamani. Et tu es resté le même. Wasipo mabadiliko. Sans changement. Na wasipo kupata maisha ya Mungu. Sans la vie de Dieu. Ni mon présence ya Mungu kanimule wewe wiko. C'est dans quelle présence de Dieu où toi tu es? Kwa michezo. Là où toi tu viens pour jouer. Ni mambo ya kushanga. C'est un problème étonnant. Là où Badada va nendaka pour s'accoucher, il n'y a aucune sœur qui arrive là-bas. Et qu'elle commence à somnoler. Lui qui a des douleurs, elle qui a des douleurs. Elle qui a des larmes aux yeux. Elle s'endort. Elle se réveille. Ah, je dois m'approcher. Il n'y a aucune sœur qui joue comme ça. Mais moi, je suis étonné. La Bible compare la présence de Dieu avec l'endroit de la technique. Si nous aussi nous venons à l'endroit là où Dieu n'a pas tout, tu ne peux pas arriver dans ce tabernacle et tu dors. Tu n'y es pas encore arrivé. Dieu descend. Nous voyons dans les télévisions. Président parlement. Si un président entre dans le parlement, tous les ministres sont là-bas. Les gouverneurs sont là-bas. Les députés sont là-bas. C'est difficile qu'un homme commence à dormir. Tous sont vigilants. Et ils entendent le discours du président. Mais toi, tu viens suivre l'enseignement de Dieu créateur du ciel et de la terre. Président des présidents. Un raïs ou un raïs. Roi des rois. Il descend. Et il parle avec son peuple. Mais toi, tu dors. Ça, c'est grave. Il n'y a tard. Ah, oui, tu n'es pas encore arrivé. Ne jouons pas dans la présence de Dieu. Si nous jouons dans la présence de Dieu, ce qui va nous entraîner lorsque nous allons sortir, c'est la mort. Mais dans l'amour de Dieu sans limite, il ne veut pas qu'un homme soit perdu. C'est pourquoi il parle. Que Dieu nous assiste. Jean chapitre 8. Johannes sura 8. Verset 1. A dit Yesu waire ku rupigirwa mizetuni rukero wabwerere munzu bo yaresa ne bantu bonso bayishire ko aji washikata kae bafundisha ba mijiro ne bafarisayo bamuretere mwana mukaji mukwatwe mu bukende. Bamutura mu bukata bamurakamba mufundishi unomwana mukaji wakwatwa mu bukende mu mijiro ya Mosesa witu kambijamba ba umusango baswe mabwe ajore warakabye barakire yabi mondo kumweseka bitu ambaba mone mwasa kumushinina adi Yesu wa kontama ka kdembe panshi na munwe nakajikutereka. Roba konkobeje kumwipuja wa oroka wibarakamba wakubura mwanda muyanwe atendekere po kumwasa jibwe kabiji wakonta maponka karembe panshi ajipa kutere kabi michima yibashinina kabatambe umo kupera kutendekera kubagurumpe nebyoba apwa bonso Yesu washerebushe na wa mwana mukaji mubukata Yesu wa oroka kaji kumona muntu nasha umuposo inga wa mwana mukaji wamura kamba mwana mukaji bakugushinira ba GP kutuna cha umo wakufutikijani ayamba nangwa umo kambo ne Yesu amba nami kenshi nkufutikije yanga te kubara ponka bubi. Amen. Jésus se rendit à la montagne des oliviers. Chikumo Yesu anatoka na shuka kumulima ya mizeituni. Mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple. Anashuka anashuka busubuhi ku nyumba ya Mungu. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en un flagrant délit d'adultère. Bwana uyu mwanamuke arikamatwa mu busharati. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Mu sheria ya Musa alitufundisha kuwa bantu baina muna. Sasa wewe unasema je? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Barisema vile Dieu akumujaribu tu baone namuna kana atahukumu. Mais Jésus s'étant baissé écrivait avec le doigt sur la terre. Lakini Yesu anakunjama anaanza kuandika na kilole chake chini. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit. Vile bantu baliendelea kumuuliza ananyolosha kichwa anabambia sema que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Katikati yenu ule ashiatendaka zambi sawa hii akuye yeye wa kwanza kutaya huyo mwanamke libwe. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Anakondama tena anaanza kuandika chini. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, wakati barishikia ile masemo ya Yesu barihukumiwa kila mtu. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Baranza kutoka moja kwa mwingine, kuanzia kwa kubwa na kwa mwisho. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Yesu akabatia peke yake na ule mwanamke alikuwa katikati. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, wakati Yesu ananyangula sura aliona kupaka ule mwanamke. Jésus lui dit. Yesu akamwambia, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Mwanamke, bakukukumu bote beko wapi? Personne ne t'a-t-il condamné? Hakuna mtu atamwona kukumu? Elle répondit, non Seigneur. Akadibu asema hakuna bwana. Et Jésus lui dit. Na Yesu akamwambia, je ne te condamne pas non plus. Va. Na mie sikukumu hapana. Va et ne pêche plus. Lakini wende usitende tena zambi. Amen. Amen. Voilà pourquoi mon présence ya Mungu kama tunafika. Je crois moi quand nous arrivons dans la présence de Dieu. Ça vile ni murikalashi munene ile kunangaza kwa maisha yetu. Qui éclaire notre vie. Kila mtu yuko naona bubaya bwake. Chacun de nous voit ses fautes, ses erreurs. Alléluia. Amen. Branham anasema mu commentaire ya andiko tunasoma. Ndugu Branham dit dans le commentaire de anasema kama Mungu anaandika maandiko yake, si Dieu écrivait, mtu wote pa kuisoma anaona kama mambo yake. Tout homme quand il lit cela, il voit ses problèmes. Kundi hapa ba farisayo na basandukayo barenda kuhukumu huyo mwanamke kwa Yesu. Le groupe de ces sadducéens et pharisiens qui allaient accuser la femme chez Jésus. Yesu aliandika paka sema ule ashiatendaka akwe wa kwanza kuwa huyo mwanamke. Jésus a écrit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à la femme. Kama lievi anaenda kuangalia pale maandiko. Mais si c'est les vins qui allaient regarder ces églises. Anasoma chiku na dati na sa ile na yari charitari tende imambo moya moya. Il lit le jour, la date et l'heure qu'il a fait ce problème le jour, tel jour. Anatoka na chimbi. Il sort fou. Oui, anakuya. Celui-là aussi. Anasoma pour mambo yake. Il lit son problème, il sort fou. Mon présence ya Mungu. Dans la présence de Dieu. Aba onaki mambo ya mwenja. On ne voit pas le problème de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Yesu anamwambia mwanamke aseme. Jésus a dit à cette femme. Sasa hivi wakukukumu bote abana. Comme tous ceux qui te condamnent sont plus. Moi non plus je ne te condamne pas. Va. Usitende tena zambi. Ne pêche plus. Frère, kama ulikuwa kwa Yesu. Si tu es venu à Jésus. Mungu anakuhesabia haki. Dieu te justifie. Wende usitende tena zambi. Va et ne pêche plus. Dada unakuwa kwa Mungu. Sœur, tu viens chez Dieu. Unasumbua naye kwa makosa yako. Tu lui parles de tes problèmes, de tes fautes. Regarde cette femme. Savez mon présence à Jésus au moment qu'il est d'âme. Comme dans la présence de Dieu, on n'y verse pas le sang. Nema yake. Sa grâce. Il est quoi ni yekufika kwa Yesu. C'est elle d'arriver dans la présence de Dieu. Que ce problème qui a fait. Il est mulomba lufu kama Yesu anap. Elle lui avait demandé la mort. Si Jésus n'était pas là. Quand on est arrivé avec la chez Jésus. Yesu anamwambia sema. Jésus lui a dit. Na mimi sikuhukumu. Moi non plus je ne te condamne pas. Va. Usitende tena zambi. Ne pêche plus. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Mtoto wa Mungu wa kweli. Un véritable enfant de Dieu. Kama nakutana na Mungu. S'il se rencontre avec Dieu. Pale anatoka mu présence ya Mungu. Quand il sort dans la présence de Dieu. Ataanza kuipresentir présence ya Mungu partout. Il commencera à présenter la présence de Dieu fasi yote. Ashita kuwa tena karibu na zambi. Il ne sera pas encore plus près du péché. Ata munamuna yake ya kusema. Même dans sa manière de parler. Ata munamuna yake ya kutenda. Même dans sa manière d'agir. Ata munamuna ya maisha yake yote. Même dans sa vie. Eko na veye pa kile ba vile eko nafanya. Il kesha tout ce que c'est. Je kusema huyu frère alifika mu présence ya Mungu. Yakikisha kusema ce preuve est arrivé dans la présence de Dieu. Moi, ma fonction est dans sa présence. Dans cette prédication, moi, pour qui? Mon paragraphe 74. 75. Prophète Anasema. Le prophète dit. Dans Psaume chapitre 16, 8. Muzaburi sura ya 16 na 8. David a dit. David a dit. J'ai l'Éternel sous mes yeux. Ni kona milele yu mbele ya macho yangu. C'est une bonne chose à faire. Ni kitu kizuri cha kufanya. Psaume 16, 8. Zaburi 16, 8. Je l'Éternel sous mes yeux. Ainsi, il ne pouvait pas être dans la confusion. Il voulait être conscient de sa présence. Aussi, David a dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Maintenant, moi, David, j'ai l'Éternel sous mes yeux pour être toujours conscient de sa présence. Ne serait-ce pas une bonne leçon pour nous ce soir? Et tiens, oui, comme on fournit sur quoi tu mesures, mangari bien. Avoir l'Éternel sous nos yeux. Oui, non, mille les pas belles amateurs. Afin d'être conscient de sa présence. Juste pas te quoi na zamiri ya ouais pour qui? Le mettre en première position. Moi, comme phase ya quanza. Pourquoi? Jianin. Mettez-les en première position. Moi, qui m'phase ya quanza. Devant vous. Belle. Pourquoi? Jianin. Ainsi, vous ne pécherez pas quand vous rendrez compte que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu vendais les fruits au marché, la présence de Dieu est là où toi tu es. Même si tu cultivais ton champ, la présence de Dieu est là où tu es. Là où tu es. Même si tu es au milieu des frères, présence y a mungu kupaka pale wiko. Wepo wa mungu sae la uchi. Mtoto wa mungu kama nakutana na mungu. L'enfant de Dieu lorsqu'il se rencontre avec Dieu. Anaza presenti présence ya mungu. Il présente la présence de Dieu. Ata na rikuta mu bapagano. Même s'il se retrouve au milieu des païens. Na bapagano batayua se utu kuna yeshe tunachana naye. Même les païens sauront que celui-ci nous sommes différents de lui. Ule kuna presenti présence ya mungu mu maisha yake. Celui qui présente la présence de Dieu dans sa vie. Ata anenda mundo ya nduku yake muko fujo. Même s'il allait dans le mariage de son frère ou il allait. Yaki fike. Si lui l'arrive. Présence ya Mungu inafika. La présence de Dieu arrive. Ata bibi wa nduku yake arriba makuta kuna katala. Même si la femme de son frère voulait. Mais yaki fike. Yeye ni mfulu ya Mungu. Oui, il est cette non. Yakufuta mbio tutakuwa nje. Tout ce qui était caché sera mis en lumière. Je commence à kusema aju semeke iko hapo. Je commence maintenant à parler comme mon. Mimi naanza kusema sasa. Je commence à parler. Tu semeke yangu. Ana nipenda na mimi naanza. Mimi na mimi nampenda. Même et que moi aussi je l'aime. Je ne t'aime pas pour rien. C'est parce que tu es la présence de Dieu. Mais tu l'étambues. Mais reconnaissons-nous. Et une chose mauvaise qui s'est faite dans les enfants de Dieu, c'est quand tu t'oublies que tu es un enfant de Dieu. Ne nous oublions pas. Nous sommes des gens heureux dans cette cité de Cambo. Il faut se connaître. Pour le groupe qui est ici, c'est vous la paix de Cambo. Amen. Si les gens n'ont pas encore vu, c'est parce que Jésus. Mais pas les bonnes choses d'accord avec Kanisa Yake. Quand Jésus viendra dans son église, ces gens qui sont là, ils vont témoigner que nous sommes, nous avons été leur pays. Tout tembe mon manja mwali ya heshima. Marchons dans l'état de respect. Tuanze kupresentir présence ya Mungu. Et ressentons la présence de Dieu. Quand un homme pense que Dieu n'est pas là, wakati mtu anawazia sema Mungu anapo, il va girer atalapa. Il va convoiter les femmes. Atatamanya wanawake. Kabla nilimwambia jana. Comme je vous l'ai dit hier. Un homme de tabernacle. Quand ils sont sortis, des jours où on se réunit, un frère s'est rencontré avec une soeur. Lui, il ne connaissait pas que c'était notre soeur avec une fille. Elle a commencé à la courtiser. C'est le manque de présenter la présence de Dieu. Comment tu peux arriver à ce niveau-là? De manquer du respect à un enfant de Dieu. De manquer du respect à un soeur avec une prière. Et c'est celui-là avec qui pourra tirer dans l'enfant. Comment tu peux arriver à ce niveau-là? Comment tu peux avoir cette ardeur de suivre notre soeur pour que toi tu puisses arriver à se suivre avec ou toi ma soeur? Où est-ce que tu peux trouver la force de prendre le moustiquaire? On a voilà moustiquaire, ouais, c'est voilà moustiquaire. Toi, tu t'es dit que j'ai porté un frère pour séduire les frères. La présence, il y en a un qui avec la présence de qui que tu viens séduire? Quand Dieu nous parle, et qu'on achète pour vous, il est jaloux de nous. Et qu'on a tout vérifié, mon totalité. Et il nous vérifie dans toute sa totalité. Dans ma manière de s'habiller, frère, il arrive à mon présence. Le frère qui est arrivé à la présence de Dieu, il ne peut pas porter le pantalon qui tombe. Et qu'on a vérifié, il vérifie comment il est habillé. C'est un honorable. Alléluia. Amen. La sœur qui arrive dans la présence de Dieu, elle voit quelle habit elle s'habille. Elle ne peut pas s'habiller en désordre. Que Dieu nous assiste. Il va convoiter les femmes. Il va faire tout ce qu'il veut. Il va voler, mentir, fera importe quoi. Quand il pense que Dieu n'est pas là. Mais amenez-les dans la présence de Dieu. Il cessera cela immédiatement. Amen. Un homme peut faire des choses. Mais si vous l'amenez dans la présence de Dieu, ce problème va s'arrêter immédiatement. Dieu te donne un toi, l'enfant de Dieu, ampoule à Christ. Toi qui es l'ampoule de Christ, société. Tu vas dans une société. Tu vois une bouteille de mazout, tu mets dans ton combinaison. Toi, mon frère. Non. Apana. D'ailleurs, c'est être insensé. Salaire, il y a 2000 dollars. Ton salaire, peut-être, c'est 2000 dollars. Tu payes un mazout. La bouteille de mazout. Peut-être, c'est 5000. Peut-être, c'est 5000 francs. Mais on avait pas tout à mazout. Mais tu prends une bouteille condition de mazout. Condition est à campagne, nous ne pouvons pas bouger quand j'y vais. La condition c'est que si on t'attrape en France, ton travail va. On a une loi qui dit mazout, tu veux dans 3000 francs. Tu veux faire passer le mazout. Voilà, bichet mouchara, il y a 2000 dollars dû à 3000. Attends, tu m'as le salaire de 3000 à cause de cela. Mon gars, tout ça il dit. Que Dieu nous assiste. Mais où est comme présence à mon. Mais celui qui est moins pour. Salama ya société yabo. C'est la paix de leur société. Alléluia. Amen. Dada mwenye kwa presence ya Mungu ni salama ya ndoa yake. La sœur qui est dans la présence de Dieu, c'est la paix de son ménage. Il cessera cela immédiatement. Atacha ile paka pale. Vous voyez? Unaona? Et David a dit: J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Niko kila wakati na mbele mbele ya macho yangu. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. Ce n'est pas étonnant que Anaya kushangaa wasema. Dieu a dit: Mungu alisema. C'est un homme qui le C'est un homme selon son cœur. L'homme fera n'importe quoi quand il pense que Dieu ne le voit pas. Mais quand il se rend compte que Dieu est là, il va faire attention. Amen. Amen. Nous qui savons que Dieu ne laisse pas dans l'église. Dans nos chambres, Dieu est là. Même si ma femme montre ses faiblesses. Tu ne peux pas l'injurer. Tu injures ses mamans. Tu injures même ses grands-parents. Tu injures sa famille. Non, pas. Dieu interdit mes injures. Nous, les seuls qui sont arrivés dans la présence de Dieu, ceux du monde, quand ils nous voient, les manières de tresser changent. La manière de coudre nos blousons change. Si on te pourquoi ma soeur, tu as changé? Je laisse le dessus, parce qu'on interdit cela dans l'église. Qui interdit cela? Que Dieu nous aide. Dans notre église, on interdit de s'habiller des camisoles à Doni. Ce n'est pas l'église qui interdit. C'est Dieu avec qui tu t'es rencontré. C'est lui qui te donne sa vie. Si un homme te demande, dis-lui que je me suis rencontré avec Jésus. Jésus-Christ m'a habillé. Je m'habillais, je marchais nu, je pensais que j'étais habillé. Si un homme se rencontre avec Dieu, sera habillé. Amen. Amen. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Ninaona wakati yetu inakamilika. Je vois que notre temps est à terme. Tapima tu kusoma kuandiko ya mwisho. Je vais essayer de lire une dernière. Psaume chapitre 143. Zaburi 143. Psaume 143. Zaburi 143. Verset 2. Tianzia pa 1 à 2. Stare ya kwanza na ya pili. Mawe nkambo tereka mirombero yami. Kuchika byo mpapata tereke mwaira kine kyobe ne bororoke bobe ke kungita mukije amikarume obe pantu kutuna sha muntu mmo pano pantanda ukabinga mukeni kyo. Eternel, écoute ma prière. Wa milele, chikia maombi yangu. Prête l'oreille à mes supplications. Chikia namuna nikuna kusi. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Unishikie kufuatana na uaminifu wako na wema na uwaki wako. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Ushinjie mhukumu pamoja na mtumishi wako. Car aucun vivant n'est juste devant toi. Alléluia. Amen. Sababu hakuna hata mtu mmoja pa dunia mwenye kwa waachi mbele ya Mungu. Amen. Ana. Amen. Nyana pa. Ana. Nyana pa. Ikawa nani wala nani yeyote. Que ça soit qui ou qui. Kama anafika mbele ya Mungu. S'il arrive devant Dieu. Est coupable. Il est mwa kukumiwa. Comme on a fait comme présence à Mungu, si tu arrives, Mungu, bien, toi tu commences à continuer à te voir bien, tu n'as pas encore été. Comme on a fait, si tu es arrivé, tu te verras que tu es quoi coupable. C'est ce qui va te presser à se repentir. C'est toi quand tu vois tes fautes. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Na Mungu abariki machache mungina la Yesu Christ. Et que Dieu bénisse ce peu au nom de Jésus Christ.